Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéo Top. Nous profitons de cet été pour revoir ensemble les meilleures sorties de la saison. Mélanie est une fille trop gentille. Sa mère, son patron, ses copines, sa voisine et même le chien de sa voisine le savent et en profitent. Un jour, suite à une ultime humiliation, Mélanie décide de changer. Désormais, elle va se venger. Il n'est pas facile de changer quand on a été gentil toute sa vie. Tu es tombé sur le seul handicap qui soit pas remboursé par la sécu. Tu vas voir qu'un jour, à force d'aider tout le monde, c'est moi que tu pourras plus aider. Oh non, non, non, Mélanie, faites un effort. On le sait que vous êtes pas jolie, mais vous pourriez au moins essayer. C'était donc ça la vie de Mélanie. Et rien de tout ça n'aurait changé si un prince charmant ne s'en était mêlé. J'ai un rendez-vous avec lui. Franchement, il voudra jamais de moi. Elle n'est pas vraiment belle. Mais comment elle a pu croire un truc pareil? Mélanie venait de comprendre qu'on ne pouvait pas être rond dans un monde carré. Désormais, c'était décidé. Vilaine était née. Tous ceux qui lui avaient pourri la vie allaient payer. Ah, vous me sortez pas de Johnny? Non! Mademoiselle, s'il vous plaît, vous pourriez me laisser votre place? Non. Mais devenir vilaine n'est pas sans conséquence. Vilaine, une comédie de Jean-Patrick Benn et Alain Mauduit avec l'excellente Marie-Lou Berry, Frédéric Bell, Chantal Lobby, un DVD, M6 Vidéo.